Le vêtement de lumière. Il était une fois un pauvre pêcheur, nommé Hakiu Ryu, qui prenait fort peu de poissons et subsistait à grand-peine. Il vivait seul, n'étant pas assez fortuné pour prendre femme, dans une misérable cabane, située près d'une belle forêt de pins, au pied du mont Fujiyama, dont le sommet est recouvert de neiges éternelles. Devant sa porte s'étendait une longue plage de sable blanc. Et il contemplait jusqu'à l'horizon le bleu éclatant de l'océan Pacifique. Hakiu appréciait ce paysage enchanteur. Et il rêvait souvent. Cela l'aidait à vivre. Un matin de printemps, il traversait la forêt de pins lorsqu'il aperçut accroché à une branche un vêtement magnifique. Il était fait de plumes légères, argentées et dorées. L'étoffe semblait tissée de lumière et Hakiu en fut comme étourdi. Tenté, il hésita, jeta un coup d'œil alentour. Il était seul. Il prit le vêtement, le porta dans sa cabane et le dissimula sous un tas de bois. Le soir, sur son tatami, avant de glisser au sommeil, il calcula les bénéfices que lui procurerait son larcin. « J'irai demain au marché. Je vendrai ce vêtement à un bon prix. J'achèterai des filets neufs et solides, peut-être une barque. Je ferai ainsi de belles pêches. Je deviendrai un homme riche, alors je prendrai femme. » Sur ces visions merveilleuses, il s'endormit. Pendant la nuit, il fit un rêve. Une très belle jeune fille lui apparut. « Je suis un ange, » dit-elle. « Je viens des cieux pour visiter le monde. Mais vous avez pris mon vêtement. » Et je ne puis retourner au ciel sans ma robe. Je vous en supplie, rendez-la-moi. » Hakiu l'interrompit. « Je ne comprends rien à vos paroles. Je ne vous ai pas dérobé votre robe que je n'ai jamais vue. Mais puisque vous êtes dans ma maison à 7 heures de la nuit, venez donc partager ma couche. » Et saisi d'un brusque désir, il l'enlaça et voulut l'embrasser. C'est alors qu'il se réveilla. Ce rêve lui laissa un goût amer dans la bouche, et il eut honte. « Comment, se dit-il, je vole un vêtement magnifique, je mens à la jeune fille à qui il appartient, et je veux la contraindre à partager ma couche. » Il se souvint d'un vieux maître zen dont il avait suivi les enseignements dans sa jeunesse. « Il n'y aura ni paix ni bonheur pour toi si tu ne pratiques la justice, si tu t'écartes de la vérité, si tu n'éprouves pas de compassion. » Hakiu décida alors de rechercher partout la jeune fille et de n'avoir de repos qu'il ne lui ait restitué son vêtement de lumière. Le lendemain, de très bonne heure, il se rendit sur la plage, scruta l'horizon. En vain. Il s'approcha du bois de pin, et là, sous un arbre, il aperçut la jeune fille de son rêve, qui pleurait. Il lui rendit son vêtement. Elle le remercia avec beaucoup de joie et d'effusion. Quand elle revêtit sa robe de lumière, il se transforma et devint un ange, qui s'éleva doucement dans les cieux, en dansant, avec une grâce inouïe. Le théâtre No représente souvent cette danse de l'ange. C'est un spectacle extraordinaire, l'un des plus beaux que l'on puisse imaginer. Hakiu le vit le premier, et il tomba en extase. Il rentra dans sa cabane. Les jours suivants, il prit autant de poissons que ses filets pouvaient en contenir. Il se maria Il eut de nombreux enfants, et tous vécurent heureux, longtemps, longtemps. Est-ce un conte zen, un conte de fées? La morale semble classique, on pourrait l'exprimer ainsi. La sincérité, l'équité, la compassion sont des vertus récompensées. Il ne faut pas voler. Mais ce conte nous dit une autre chose, symbolisée par le vêtement de lumière, qui seul permet d'accéder au ciel et magnifie toute réalité. Chacun suivra ici le silence et son intuition.